chaque journée comme si elle avait été écrite. La vie est un risque, rappelle-toi, vieux, c'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi qui. I'm only 19, but my mind is old. My mind is old. I'm only 19, but my mind is old. My mind is old. I'm only 19, but my mind is old. What my mind is old. I'm only 19, but my mind is old. C'est comme si tu laissais la vie faire des choses. C'est comme si tu laissais la vie faire des choses.